Ce panneau indique un danger représenté par le passage d'animaux sauvages. On rencontre ce panneau surtout dans les régions boisées.